Toujours en Corée, le Palais des sciences et techniques à Pyongyang a abrité du 2 au 4 août la 7e exposition nationale d'appareils médicaux. Y ont été présentés de nombreux équipements, appareils et matériaux inventés et fabriqués dans les usines, entreprises et organismes d'enseignement et de recherche scientifique. À la cérémonie de clôture déroulée le 4, le résultat du jury étant publié, les meilleures unités d'activité et individus ont reçu les diplômes.